Bonjour, nous sommes les élèves de 4e du lycée agricole de Mirecourt. Nous allons vous poser certaines questions sur votre radio qui est où vous travaillez, qui s'appelle Radio Gemozo. Bonjour et merci de répondre à nos questions qu'on va vous poser. Alors, depuis quand la radio existe ? Depuis 1981, c'est la plus vieille des Vosges. Pourquoi vous l'avez appelée Radio Gemozo ? C'est notre ancienne adresse quand on était à Rue-sur-Moselle. On était chemin du Gemozo. Le Mozo, c'est un bras de la Moselle. Qui a créé la radio ? Alors, ils étaient deux au départ, Stéphane Pirel et Raymond Claudel. Et puis, ça s'est étoffé, il y a eu de plus en plus de monde. Sur quelle fréquence peut-on écouter la radio ? 107, 107.0 MHz sur la bande FM. Que veut dire les lettres FM ? FM, en réalité c'est MF, c'est modulation de fréquence, fréquence modulée. Merci d'avoir répondu à vos questions, au revoir. À votre service. Bonjour, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Oh, on va dire par goût, mais c'est un peu par hasard quand même. Bonjour, combien gagnez-vous à peu près par mois ? Oh, pas assez. Non, pas grand-chose. Non, mais il ne faut pas compter sur les petites radios comme il y a dans les Vosges pour gagner beaucoup de sous. Non, ça c'est sur les grosses radios où ils gagnent beaucoup de sous, pas sur les petites. Moi, je voulais savoir, vous vous définissez comme animateur radio, journaliste ? Non, on n'est pas des... Enfin, ici, on n'a pas de journaliste encarté, quoi, je dirais. On a des animateurs, on a des... Oui, des animateurs, des techniciens, mais pas de journalistes. Est-ce que vous êtes salarié ou bénévole ? On a les deux. Moi, je suis salarié, mais il y a des bénévoles. Il y a combien de bénévoles dans cette radio ? Je sais pas, entre 20 et 25. Est-ce que vous faites la radio en permanence ? Alors, la radio émet en permanence, mais il y a un ordinateur qui nous aide bien quand il n'y a pas de direct. Donc, l'ordinateur passe de la musique quand il n'y a personne en direct. Quand faites-vous un tournage ? Qu'est-ce que t'appelle un tournage ? Un enregistrement. Ah ben, par exemple, il y a eu Marion ce matin à 8h30. Là, il y aura des émissions cet après-midi. Il y aura des émissions ce soir. Voilà, il y en a un petit peu à toutes les heures. D'accord. Combien êtes-vous ? Alors donc, on va dire une vingtaine de bénévoles et 4 employés. 3 employés. J'aurais moi aussi quelques questions, Marc, oui, concernant les émissions que vous produisez sur Radio Gemozo. Quel type d'émissions de préférence, hormis peut-être sans doute les flash infos et les actualités du jour. Eh ben donc on fonctionne beaucoup avec les associations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie associative. Donc, on a beau faire tourner les assos, on en découvre toujours. Et donc, toutes les assos à 30 km à la ronde, quoi. D'accord. Donc, quel est le rôle, en fait, pour toi de Radio Gemozo sur le site de Saint-Étienne-Remiremont ? C'est d'abord l'animation du territoire ou... Absolument, oui. On est en plein dedans, dans l'animation du territoire, oui. Tout ce qui se passe sur le coin et ce qui va dans le bon sens, en général. Donc les assos sont tellement variés qu'on n'a jamais fait le tour. Et on a un petit côté écolo, social, mais voilà quoi, en général du bien quoi. Est-ce qu'il y a toujours à Radio Gemozo cette notion de combat qui pouvait y avoir à l'origine, il me semble, quand ça a été créé ? Ça baissait un petit peu. On est plus passé dans le social que dans le combat maintenant. D'accord. Merci. Ah, de rien. On se posait également des questions, comme il y a 3 salariés, vous nous avez dit, comment finalement vit cette radio ? Il n'y a pas de publicité, donc vous avez des subventions ? Oui, alors en gros, pour ce qui est radio associative comme Gemozo, il y en a 650 en France qui profitent d'une subvention dédiée à ça, qui s'appelle le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et ce qui nous permet de survivre. D'accord. Et avez-vous beaucoup de... Donc il y a des bénévoles, tu nous as dit, mais est-ce qu'il y a énormément de partenaires ? de partenaires fixes, on va dire. Ça dépend si on parle d'institutionnel, style conseil oui. départemental ou des choses comme ça. On a un peu de mal. On a un peu de mal à avoir des conventions, etc. C'est compliqué. D'accord. La région nous demande de passer de temps en temps des messages d'intérêt généraux. Mm-hmm. Bon, ça nous rapporte un petit peu, mais c'est quand même pas énorme. On essaye, mais c'est pas facile. Puis, de toute façon, le côté financier, on sait qu'il y a, bah, tout le monde, il y a plus personne qui aide tout. Donc, on a beau chercher. Merci. Et moi, j'avais encore une question donc, qui dit on émet, c'est pour être écouté. Et donc, les auditeurs qui sont présents réguliers, ils vous manifestent. Il y a des retours ? Pas énormément, mais bon, on sait qu'on a des auditeurs. C'est pas... Par contre, on n'est pas comme d'autres radios commerciales où on les invite à téléphoner pour gagner. Donc, on ne fait pas trop de jeux, on ne fait pas trop de trucs comme ça. Mais ça n'empêche pas, on sait qu'on a des auditeurs. Et donc, les auditeurs, c'est 30 km autour ou... À peu près, même pas. Même pas 30 km. D'accord. En montagne, c'est pas facile. D'accord. Donc là, on va jusqu'à Épinal, quand même. On s'arrête juste avant. On s'arrête avant, d'accord. Et de l'autre côté En gros, on dépasse... Le tuyau, col de Buisson. On s'arrête avant, c'est pareil. On s'arrête avant. À partir de rue sur Moselle, ça commence à devenir compliqué. Côté Gérardmer, on arrive jusqu'au lac, mais on n'arrive pas à Gérardmer. D'accord, oui, c'est vraiment très local, hein. Oui. Mais c'est la géographie en fait. Absolument, oui, c'est la topographie. C'est... Autant faire de la radio en plaine, c'est facile, autant en montagne, c'est compliqué. Et la volonté de maintenir cette radio, elle émane d'où principalement ? De vraiment faire le maximum pour continuer à émettre, à être présent ? Ah bah d'une équipe de bénévoles qui gère l'association. Et en ce moment, donc, on a justement des projets pour essayer de s'en sortir. On a l'intention de créer un deuxième service ailleurs qu'à Armermont pour essayer de s'étendre un peu. Ok, d'accord. Donc il y a encore des âmes combattantes. On essaye. Il y a des âmes combattantes. Comme beaucoup d'assos, le problème c'est le renouvellement, mais il y a une équipe qui est pas trop mal en ce moment. Et si votre projet il est créé, vous allez vous installer où ? Alors ça c'est une bonne question. On est en pleine réflexion sur le site, sur les sites. On ne sait pas trop. Est-ce que vous reviendriez plutôt vers Épinal ? Le problème c'est qu'on n'aurait pas de fréquence sur Épinal. Les fréquences sont déjà prises. D'accord. On aimerait bien, mais il n'y a pas de fréquence. Donc ça, c'est aussi un problème pour nous, c'est qu'on sera obligé de prendre une fréquence là où il y a une fréquence de libre. Donc tu as une idée de là où ça pourrait être aujourd'hui ? Oh là. Pour le moment, non ? C'est pas qu'une idée, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'idées. Non, ça peut être un peu n'importe où. Ça peut être soit sur les hauts, soit côté rue sur Moselle, soit côté Saulxures, soit côté Épinal, soit... Oui, on ne sait pas. Ok, ça c'est intéressant. Là, on se projette sur du développement et sur peut-être d'autres axes aussi de fonctionnement, non ? Ou ça fonctionnerait comme la radio actuelle ? Ça fonctionnerait en gros comme la radio actuelle, avec en gros 5 heures de programme propre pour le deuxième service. Ce qui nous permettrait d'avoir une deuxième subvention et donc de pouvoir enfin ne plus perdre de sous. J'aurais encore une question peut-être sur les programmes justement que vous mettez en place à Radio Guémozo, programmes musicaux, programmes culturels. Comment vous choisissez la musique ? Quels sont les grands axes ? Est-ce qu'on est plutôt sur de la variété qu'on entend un peu partout ou est-ce qu'on choisit des thèmes musicaux un peu différents ? On est différent du reste de la bande FM. On n'est pas trop musique de jeunes, je suis désolé, mais on n'est pas trop musique de jeunes. Bon, les Black M ou autres, c'est pas trop notre truc, c'est pas notre tasse de thé. Alors par contre, on propose ce qui ne s'entend pas forcément ailleurs, c'est-à-dire on passe du jazz, du blues, on passe du français, quand même pas mal, mais... On ne va pas passer les tubes de Johnny ou de, je sais pas, ou de Mylène Farmer ou je ne sais pas qui. On va passer des petits morceaux qui sont moins connus. Souvent, on passe des morceaux qui ne sont pas trop connus. D'accord. Alors, pourquoi ce choix ? Oh bah justement, faire découvrir un petit peu le fait qu'il y ait d'autres chansons. Celui qui veut... Et dans votre programme, vous faites quoi ? Vous faites du direct, des rediffusions, vous faites quoi ? Ah bah un petit peu de tout, du direct, des rediffusions, oui. Je me suis laissé dire que vous passiez aussi beaucoup de choses sur des gens qui se lancent, des groupes qui sont un peu nouveaux, qu'on peut retrouver sur certains festivals, mais qui sont encore pas très très connus. Oui, oui, bah oui, on est là pour ça. C'est toujours dans la perspective de faire découvrir. La fonction de radio, c'est de faire haut-parleur. Nous, on est là pour faire découvrir. Donc, si un artiste qui n'est pas encore connu, on est bien content de le recevoir dans nos studios. D'accord. Et en plus, en général, ils s'en souviennent. Ah ouais, mais vous m'avez fait passer, ou un, alors que d'autres radios, ils voulaient pas de moi. Mm-hmm. Et puis une fois qu'ils sont connus, ils s'en souviennent. Et vous, c'est les artistes qui se proposent, ou c'est vous qui allez un peu les chercher sur les festivals, par exemple ? Un petit peu des deux. Un peu des deux ? Un peu des deux. En général, on va... Oui, oui, il y a un peu des deux. Il y a le bouche à oreille. Et où est située votre antenne de la radio ? Alors, elle est sur le massif du Fossard, c'est-à-dire, en radio, ça ne va pas causer, c'est juste derrière nous. On a une antenne qui est pour l'instant très haut, à 800 et quelques mètres, ça c'est bien, ce qui nous permet d'avoir une bonne couverture. Mm-hmm. Et c'est l'antenne rouge et blanc qu'on voit là-haut ? C'est bien ça, oui, la même que les télés, etc. J'avais encore une question aussi par rapport, vous êtes une radio associative, est-ce que vous travaillez avec d'autres radios associatives pour... des fois, vous échangez des programmes. Oui. Alors ça, c'est très bien. Entre radios associatives, on peut échanger autant d'émissions qu'on veut, mais toujours à titre gratuit. Donc ça, ça marche comme ça entre radios associatives. On passe des émissions qui viennent d'autres radios sans aucun problème. Des émissions très bien. Voilà. À partir du moment où on les trouve bien, il n'y a pas de problème, on les passe. Et on a une émission qui marche bien ici, c'est la Musette, je ne sais rien, c'est comme ça, qui passe sur d'autres radios. Et à côté de votre métier, là, vous avez un autre métier ? Non, non, non. Moi, j'étais à plein temps, je suis presque à plein temps. Donc, pour moi, c'est bien. Et des fois, est-ce que vous parlez de sport dans vos infos ? Oui, ça, c'est Marion qui le fait le matin, ça. D'accord. Marc, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment on devient animateur radio, enfin, s'il y a des formations qui permettent d'accéder au métier ? Il y a des formations, oui. Ça dépend du niveau qu'on veut avoir. Si c'est pour bosser dans une petite radio, il n'y a pas besoin non plus. On fait des formations en interne qui sont suffisantes. Mm-hmm. Mais il y a des formations, je ne sais pas, il y a des DUT audiovisuels ou des choses comme ça, quoi. Donc oui, il y a des diplômes audiovisuels, où là, vraiment, bah, c'est une autre qualité. D'accord. Ça dépend du niveau qu'on veut avoir. D'accord. Et toi-même, tu as... Oh, rien du tout. Tu as suivi des formations particulières ? Oui, j'étais faire une semaine dans une radio dans l'Aveyron. Donc c'est plus en fait le passage de témoin, si j'ose dire. C'est les gens qui pratiquent, qui forment aussi, qui... Oui, oui, puis il y a des formations de qualité. En une semaine, franchement, il y a moyen de faire. Oui. Merci d'avoir écouté nos questions puis d'y avoir répondu gentiment. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, moi c'est Charles, je suis en classe de 4e. Bonjour, moi c'est Quentin, je suis en classe de 4e. Bonjour, moi c'est Samuel, je suis en classe de 4e. Bonjour, moi c'est Nathan, je suis en classe de 4e. Bonjour, moi c'est Jules, je suis en classe de 4e. Bonjour, moi c'est Maël, je suis en classe de 4e. Bonjour, c'est Loïc, je suis en classe de 4e. Bonjour, je m'appelle Lucas Sylvestre, je suis en classe de 4e au lycée agricole de Mirecourt. Ah bah bonjour tout le monde. Ah, il y en a quand même un qui a dit lycée agricole de Mirecourt. Merci, c'est gentil de préciser. Ah bah je vous écoute. Il paraît que vous avez des questions à poser. Depuis quand la radio existe ? Alors depuis 1981. C'est la plus vieille des Vosges. Au départ, ça a commencé comme une radio pirate qui n'était pas autorisée. Elle a été autorisée en 1981. Quelle est l'origine du nom de la radio ? C'est qu'on était chemin du Guémozo. C'était à rue sur Moselle. Le Gué, c'est le passage à gué d'un petit cours d'eau. Et le Mozo, c'est un bras de la Moselle. Et on aurait bien aimé savoir combien vous êtes pour vous en occuper. Alors, on est une association, il y a des bénévoles et il y a des employés. Donc, il y a une vingtaine de bénévoles et 3 employés. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Oh, bah, je suis tombé un petit peu par hasard dedans, mais ça m'a plu, donc j'y suis resté. Combien gagnez-vous par mois ? Pas assez. Non. Est-ce que vous faites la radio en permanence ici ? Oui, sauf le week-end où il n'y a pas grand monde, mais sinon oui, il y a du monde toute la semaine, il y a du monde quasiment tous les soirs, oui. Les enregistrements, ils ont lieu tous les jours ? Il y a des directs tous les jours, il y a des enregistrements quand il y a besoin. Ça peut être tous les jours, mais c'est pas forcément tous les jours. Et qu'est-ce que vous diffusez sur la radio ? Alors on fait nos émissions à nous et on diffuse de la musique qu'on n'entend pas forcément sur toutes les autres radios. Quand vous faites un tournage, vous êtes combien sur le plateau ? Une émission ? Oui. Ben, ça dépend. S'il y a beaucoup d'invités, on est beaucoup. S'il y a un invité, on n'est pas beaucoup. Et des fois, les animateurs font leur émission seuls, sans invité. C'est faisable aussi. Et quand vous partez à l'extérieur pour les enregistrements ? Eh ben donc, on prend un petit enregistreur et on se débrouille. On demande la permission si on peut enregistrer. Après, on pose nos questions et puis on fait une petite interview, et puis voilà. On fait aussi des interviews par téléphone. Est-ce que vous émettez aussi pendant la nuit ? Oui, merci l'informatique. C'est l'ordinateur qui bosse quand il n'y a pas de direct. Et la radio, elle est installée ici depuis combien de temps ? À Saint-Étienne, depuis décembre 1990, donc ça commence à faire. On peut la capter jusqu'à quelle distance ? On va dire une trentaine de kilomètres à peu près à la ronde, sans oublier tout ce qui est streaming, que ce soit sur le site ou par téléphone, etc. Avec des applis, ça marche. Donc ça veut dire si on a loupé une émission qu'on n'a pas pu l'écouter ou un reportage, éventuellement en allant sur internet, on peut réécouter. Sur le site de Radio Guémozo, il n'y a pas de problème, on retrouve toutes les émissions qui sont à peu près récentes. Il ne faut pas revenir trop loin en arrière, mais oui, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Je vous invite à aller faire un petit tour. Sur quelle fréquence peut-on écouter la radio ? Alors sur le 107 MHz. Où se trouve l'antenne ? Alors elle se trouve pas à vol d'oiseau, pas très loin des locaux de Guémozo. Nous, on est au centre-ville, 8 place de l'Hôtel de Ville. Et l'antenne se situe sur le Fossard, sur le massif du Fossard. Parce qu'en montagne, il faut émettre depuis le point le plus haut possible. Est-ce que les animateurs, ils ont une spécialité, plutôt musique, plutôt sport, ou est-ce que vous êtes polyvalent ? Bah disons, il y a les bénévoles qui ont leur spécialité souvent, c'est soit musique, soit culture. On a un petit peu de tout. Il y a des tendances écolo, et les animateurs employés sont plus polyvalents en effet. Vous disiez que vous diffusez de la musique qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Chaque animateur choisit les musiques qu'il diffuse ? Ou ça correspond à un programme dont vous discutez ensemble avant ? Non, les animateurs bénévoles choisissent suivant leur goût. Et ils arrivent à avoir les derniers morceaux sortis ou Ah oui, maintenant avec Internet, on trouve tout ce qu'il faut. je vais pas faire de la pub, mais on paye tous les mois 10 euros pour avoir accès à tout ce qu'il nous faut. Vous êtes salarié ou bénévole ? Moi, je suis salarié. Et par exemple, pour les 10 euros pour l'abonnement et puis pour les locaux, pour le chauffage, d'où est-ce que vous avez l'argent ? Alors, pour les locaux et le chauffage, ça c'est merveilleux. Merci à la mairie de Saint-Étienne-lès-Mermoz, puisqu'on est dans la maison des associations et on paye rien. On paye pas de loyer, on paye pas d'électricité ni de chauffage. Donc ça, de ce côté-là, c'est très bien, c'est merveilleux. C'est pas toutes les communes qui jouent le jeu comme ça. Donc, merci. Et sinon, on a des subventions comme 650 autres radios associatives en France. Et pour les bénévoles, du coup, ils font un autre travail à côté ou... Ah oui, oui. Oui, oui. Oui, puis ils viennent, je dirais, plutôt le soir. Ils gèrent l'association, parce que c'est une association, hein, je le répète. Ils gèrent l'association et ils gèrent leur émission à côté, oui. Et c'est plus souvent en journée, c'est les employés, et le soir, les bénévoles. Donc vous êtes là plutôt la journée ? C'est ça, oui. Et tous les jours de la semaine ou... Oui, oui, oui. Oui, on essaie de se garder le week-end quand même. Combien vous faut-il de temps à peu près pour préparer une heure d'émission ? Ici, on compte 3 heures de préparation pour une heure de direct. Enfin, je dirais 2h30 de préparation, une heure d'émission, et la demi-heure qui reste, elle est pour mettre l'émission en streaming sur le site... etc. sur Facebook, et j'en passe. Du coup, vous ne faites jamais de direct ? Si, si. Si ? Si, si. Et le direct, il dure à peu près combien de temps ? Ça dépend. Le format 1 heure, il est pas mal pour nous. Il y a d'autres radios qui vont marcher avec des interviews de 3 minutes. Nous, on trouve que c'est pas assez. Donc, quand on invite quelqu'un, on préfère l'avoir pour 1 heure au moins. Il a le temps de bien parler, d'aller au fond du sujet. En 3 minutes, on n'a le temps de rien dire, à part dire « là, c'est la foire aux cochons ce week-end ». Et pour les émissions qui ne sont pas en direct, vous nettoyez les pistes son avant de les passer à l'antenne ? Ah oui, oui, oui. Et vous faites ça encore manuellement ou c'est des programmes qui... C'est pareil, mais bon, j'ai un peu d'expérience, je l'ai fait sur des bandes, mais bon, là c'est pareil, mais en informatique, il y a des copier-coller, voilà, c'est le même principe. On nettoie, on enlève ce qui ne va pas. Et... Donc ça veut dire qu'il faut avoir une formation particulière, des diplômes particuliers pour pouvoir travailler avec les bandes son ? Non, c'est pas très compliqué non plus. On fait une formation en interne. C'est pas des usines à gaz, ça va, on s'en sort. Et on arrive à être compétent au bout de combien d'heures de travail ? Là, ça c'est suivant la qualité. Suivant la qualité de l'enseignement, on va dire. Non, normalement ça va vite. Il n'y a pas de problème. Vous avez déjà reçu des chanteurs ici ou pas ? Ouais. On n'a pas reçu des grandes stars, mais oui, on a des chanteurs, ouais. Comme qui ? Je sais pas, on en a un sur le coin qui est un petit peu connu, mais sans plus, c'est Jack Timmer, par exemple. Je sais pas si ça vous parle. Mais voilà, quoi, nous, on aime bien faire les gars du coin, mais ils sont pas forcément connus. Il vous arrive de recevoir d'autres artistes, par exemple des écrivains ou... des acteurs éventuellement, de pièces de théâtre par exemple ? Oui, donc théâtre, musique, des sportifs. Sur le coin on a eu pas mal de sportifs quand même, que ce soit... Je me perds un peu dans les noms, mais on a eu pas mal de monde. On a eu des champions du monde, ça va. Vous avez réussi à voir Absalon ? Ah non, ça c'est notre grand regret. C'est notre grand regret. Alors qui est Absalon ? C'est celui qui fait le monsieur qui fait du vélo là. Du VTT. Toi tu le connais bien ? Un petit peu. Bah à la télé on l'a déjà vu. Et il est originaire d'où ? Il vient d'ici. Je crois que les élèves de 4e du lycée agricole de Mirecourt ont perdu leur langue. Mais donc, si j'ai bien compris, vous avez une petite radio au lycée? C'est exact. Ouais. Eh ben, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu, moi. Je sais pas du tout comment que c'est. La radio, elle s'appelle Lecta Radio. D'accord. Et vous faites quoi? Des enregistrements. Ouais. Des bandes son, des photos. D'accord. Des documents enregistrés. Pourquoi avez-vous choisi d'être salarié? Bah, j'ai pas choisi. Au départ, j'ai commencé en contrat, ce qu'on appelle les contrats aidés, et puis finalement j'ai été embauché. C'est pas moi qui choisis, c'est l'employeur qui choisit. Donc c'est l'association qui choisit. L'association, elle a été créée en quelle année? Ah bah comme la radio, en 1981. Encore des questions? Non, je crois qu'on va arrêter là parce que là, ça cherche, mais il n'y a plus grand-chose. On commence à perdre notre langue. Bon, bah écoutez, moi je vous remercie tous d'être passés dans les radios dans les studios de Radio Guémozo. Et puis j'espère qu'on vous reverra bientôt. Et merci à vous de nous avoir accueillis et d'avoir écouté nos questions. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Es solo, solo, te vale. Es solo.